Quatrième journée, chapitre 3. C'était le bon abbé Judaine qui devait porter le Saint-Sacrement à la procession de 4 heures. Depuis que la Sainte Vierge l'avait guéri d'une maladie d'yeux, miracle dont les journaux catholiques retentissaient encore, il était une des gloires de Lourdes, et on l'y mettait à la première place, on l'y honorait par toutes sortes de prévenances. À 3h30, il se leva, voulut quitter la grotte, mais l'affluence extraordinaire de la foule l'effraya. Il craignit d'être en retard s'il ne parvenait pas à se dégager. Heureusement, une aide lui vint. « Monsieur le curé, expliqua Berthaud, n'essayez point de passer par le rosaire, vous resteriez en chemin. Le mieux est de monter par les lacets. Et tenez, suivez-moi, je marche devant vous. » Il joua des coudes, fendit le flot compact, ouvrant un chemin au prêtre qui se confondait en remerciements. « Vous êtes trop aimable. C'est de ma faute, je me suis oublié. Mais, bon Dieu, comment allons-nous faire tout à l'heure pour passer avec la procession ?» Cette procession restait l'inquiétude de Berthaud. Les jours ordinaires, elle déterminait sur son passage une crise folle d'exaltation, qui le forçait à prendre des mesures spéciales. Qu'allait-il arriver au travers de cette foule entassée de 30 000 personnes, fouettée d'une telle fièvre de foi, déjà prête à la divine frénésie? Aussi, très raisonnable, profita-t-il de l'occasion pour faire les recommandations les plus sages. « Ah, monsieur le curé, je vous en prie, dites bien à ces messieurs du clergé de ne pas laisser d'espace entre eux, de marcher sans hâte les uns dans les autres, et surtout qu'on tienne les bannières solidement pour qu'elles ne soient pas chavirées. Quant à vous, monsieur le curé, veillez à ce que les hommes du dais soient vigoureux et serrez le linge autour du nœud de l'ostensoir. N'ayez pas peur de le porter à deux mains de toute votre force. » Un peu effrayé par ses recommandations, le prêtre remerciait toujours. « sans doute, vous êtes bien aimable. Ah, monsieur, que de reconnaissance je vous ai pour m'avoir aidé à sortir de tout ce monde. » Et, dégagé enfin, il se hâta de gagner la basilique par l'étroit chemin enlacé qui monte au travers du coteau, tandis que son compagnon se replongeait dans la cohue, pour aller reprendre son poste de surveillance. Au même moment, Pierre, qui amenait Marie dans son chariot, se heurtait de l'autre côté, du côté de la place du Rosaire, contre le mur impénétrable de la foule. À 3 heures, la servante de l'hôtel l'avait réveillé pour qu'il allât prendre la jeune fille à l'hôpital. Rien ne pressait et ils avaient grandement le temps d'arriver à la grotte avant la procession. Mais cette foule immense, ce mur résistant qu'il ne savait par où percer, commençait à lui causer quelque inquiétude. Jamais il ne passerait avec la petite voiture qu'il traînait si les gens n'y mettaient pas un peu de complaisance. « Allons, mesdames, allons, je vous en prie, vous voyez bien, c'est pour une malade. » Les dames ne bougeaient pas, hypnotisées par la vue de la grotte brasillante au loin, se haussant sur la pointe des pieds, afin de ne rien perdre du spectacle. D'ailleurs, la clameur des litanies était si forte à ce moment-là qu'on n'entendait même pas les supplications du jeune prêtre. « Monsieur, écartez-vous, laissez-moi passer. Un peu de place pour une malade, voyons, écoutez-moi donc. » Et les hommes, pas plus que les femmes, ne consentaient à bouger hors d'eux-mêmes, dans un ravissement aveugle et sourd. Marie, du reste, souriait avec sérénité, comme ignorante de l'obstacle, certaine que rien au monde ne l'empêcherait d'aller à la guérison. Pourtant, lorsque Pierre eut trouvé une fissure et se fut engagé dans le flot mouvant, la situation s'aggrava. De toutes parts, la houle battait le frêle chariot, menaçait par moments de le submerger. À chaque pas, il fallait s'arrêter, attendre, recommencer à supplier les gens. Pierre n'avait jamais eu une sensation si anxieuse de la foule. Elle était sans menace, d'une innocence et d'une passivité de troupeau. Mais il y trouvait un frisson troublant, un souffle particulier qui le bouleversait. Et, malgré son amour des humbles, la laideur des visages, les faces communes et suantes, les haleines gâtées, les vieux vêtements sentant le pauvre, le faisaient souffrir jusqu'à la nausée. « Voyons, mesdames, voyons, messieurs, il s'agit d'une malade. Un peu de place, je vous en prie. » Le chariot, noyé, ballotté dans cette vaste mer, continuait à s'avancer par saccades, mettant des minutes à conquérir quelques mètres de terrain. Un instant, on put le croire englouti, rien ne surnageait. Puis, il reparut, arriva à la hauteur des piscines. Une tendre sympathie finissait par se faire pour cette jeune fille malade, si ravagée de souffrance, si belle encore. Quand les gens avaient dû céder sous la poussée têtue du prêtre, ils se retournaient et ils n'osaient se fâcher. Ils s'attendrissaient devant ce maigre visage de douleur qui resplendissait dans l'auréole des beaux cheveux blancs. Des mots de pitié et d'admiration circulaient. « Ah, la pauvre enfant, n'était-ce pas une cruauté d'être infirme à cet âge? Que la Sainte Vierge lui fût clémente !» D'autres s'étonnaient, frappés de l'extase où ils la voyaient, de ses yeux si clairs, ouverts sur l'au-delà de son espoir. Elle voyait le ciel, elle serait guérie sûrement. C'était comme un sillage d'émerveillement, de fraternelle charité, que laissait le petit chariot au travers du flot qu'il fendait avec tant de peine. Pierre, cependant, se désespérait, et il était à bout de force lorsque des brancardiers vinrent à son aide, en s'efforçant de rétablir, pour la procession, un passage que Berthaud leur avait donné l'ordre de protéger avec des cordes, tenues de 2 mètres en 2 mètres. Dès lors, il traîna Marie assez librement. Il la fit entrer enfin dans l'enceinte réservée, où ils s'arrêtèrent en face de la grotte, à gauche. On ne pouvait s'y mouvoir, l'entassement semblait y croître de minute en minute. Et ce qu'il garda de la traversée si pénible qu'il venait de faire, les membres brisés, ce fut le sentiment d'un concours de peuple prodigieux, comme s'il s'était trouvé au centre d'un océan, dont il entendait sans relâche les vagues déferler autour de lui. Depuis l'hôpital, Marie n'avait pas ouvert les lèvres. Il comprit qu'elle désirait lui parler, il se pencha. « Et mon père ? » demanda-t-elle. « Est-il là ? N'est-il pas revenu de son excursion ?» Il dut lui répondre que M. de Guersin n'était pas de retour, qu'il s'était sans doute attardé malgré lui. Alors, elle se contenta d'ajouter avec son sourire « Ah, pauvre père, va-t-il être content lorsqu'il me retrouvera guéri ?» Pierre la regardait, plein d'une admiration émue. Il ne se souvenait pas de l'avoir vue si adorable dans la destruction lente de la maladie. Ses cheveux, seuls respectés, la vêtaient d'or. Sa tête réduite, affinée, avait pris une expression de rêve, les yeux perdus dans la hantise de sa souffrance, les traits immobilisés, comme si elle eût dormi au fond d'une pensée fixe, en attendant que la secousse du bonheur attendu l'éveillât. Elle était absente d'elle-même. Elle allait y rentrer quand Dieu le voudrait. Et cette enfantine délicieuse, petite fille à 23 ans, restée toujours à la minute où un accident l'avait frappée dans son sexe, l'attardant, l'empêchant d'être femme, était enfin prête à recevoir la visite de l'ange, le choc miraculeux qui devait la tirer de son engourdissement et la remettre debout. Son extase du matin continuait, ses mains s'étaient jointes, un élancement de tout son être l'avait ravie à la terre, dès qu'elle avait aperçu l'image de la Sainte Vierge. Elle priait, elle s'offrait divinement. Ce fut pour Pierre une heure de grand trouble. Il sentit que le drame de sa vie de prêtre allait se jouer, que s'il ne retrouvait pas la foi dans cette crise, jamais elle ne lui reviendrait. Et il était sans mauvaise pensée, sans résistance, souhaitant avec ferveur, lui aussi, d'être tous deux guéris ensemble. Oh, être convaincu par sa guérison à elle, croire ensemble, être sauvés ensemble. Il voulut prier comme elle, ardemment. Mais, malgré lui, la foule le préoccupait, cette foule sans bornes où il avait tant de peine à se noyer, à disparaître, à n'être plus que la feuille de la forêt, perdue dans le frisson de toutes les feuilles. Il ne pouvait s'empêcher de l'analyser, de la juger. Il la savait entraînée, suggestionnée depuis 4 jours. La fièvre du long voyage, l'excitation des paysages nouveaux, les journées vécues devant la splendeur de la grotte, les nuits sans sommeil, la douleur exaspérée et affamée d'illusions. Puis, c'était encore l'obsession de la prière, ses cantiques, ses litanies qui la secouaient sans relâche. Un autre prêtre avait succédé au père Mathias, et il l'entendait, celui-là. Un petit abbé maigre et noir jetait les appels à la Vierge et à Jésus, d'une voix cinglante, pareille à des coups de fouet, tandis que le père Mathias et le père Fourcade, demeurés au pied de la chaire, dirigeaient les cris de la foule, dont la lamentation montait plus haute sous le soleil limpide. L'exaltation avait encore grandi. C'était l'heure où les violences faites au ciel déterminaient les miracles. Tout d'un coup, une paralytique venait de se lever, de marcher vers la grotte en tenant sa béquille en l'air. Et cette béquille, toute droite, au-dessus des têtes houleuses, agitée comme un drapeau, arrachait aux fidèles des acclamations. On guettait les prodiges, on les attendait, avec la certitude qu'ils se produiraient, innombrables, éclatants. Des yeux croyaient les voir, des voix fébriles les signalaient. Encore une qui était guérie, encore une autre, encore une autre. Une sourde qui entendait, une muette qui parlait, une phtisique qui ressuscitait. Comment? Une phtisique? Mais certainement, cela était quotidien. Il n'y avait plus de surprise possible. On aurait constaté sans étonner personne qu'une jambe coupée repoussait. Le miracle devenait l'état même de nature, la chose habituelle, banale à force d'être commune. Pour ses imaginations surchauffées, les histoires incroyables paraissaient toutes simples, dans la logique de ce qu'elles attendaient de la Sainte Vierge. Et il fallait entendre les récits qui circulaient, les affirmations tranquilles, les absolues certitudes, lorsqu'une malade délirante criait qu'elle était guérie. Encore une autre! Encore une autre! Parfois, pourtant, une voix désolée s'élevait. Ah, elle est guérie! Celle-là, elle a de la chance! Déjà, au bureau des constatations, Pierre avait souffert de cette crédulité du milieu. Mais ici, cela dépassait tout. Il s'exaspérait des extravagances qu'il entendait. Et si paisiblement dites, avec des sourires clairs d'enfant. Aussi tâchait-il de s'absorber, de n'écouter rien. Mon Dieu, faites donc que ma raison s'anéantisse, que je ne veuille plus comprendre, que j'accepte l'irréel et l'impossible. Pendant un instant, il se croyait mort à l'examen. Il se laissait emporter par le cri de supplication. « Seigneur, guérissez nos malades! Seigneur, guérissez nos malades !» Il le répétait de toute sa charité. Il joignait les mains, regardait la statue de la Vierge fixement, jusqu'au vertige, jusqu'à s'imaginer qu'elle bougeait. Pourquoi donc ne redeviendrait-il pas enfant comme les autres, puisque le bonheur était dans l'ignorance et dans le mensonge? La contagion finirait bien par agir. Il ne serait plus que le grain de sable parmi les grains de sable, humble parmi les humbles, sous la meule, sans s'inquiéter des forces qui les écrasaient. Et juste à cette seconde, lorsqu'il espérait avoir tué le vieil homme en lui, s'être anéanti avec sa volonté et son intelligence, Le sourd travail de la pensée recommençait au fond de son crâne, incessant, invincible. Peu à peu, malgré son effort, il retournait à son enquête. Il doutait, il cherchait. Ainsi, quelle était donc la force inconnue qui se dégageait de cette foule? Un fluide vital assez puissant pour déterminer les quelques guérisons qui réellement se produisaient. Il y avait là un phénomène qu'aucun savant physiologiste n'avait encore étudié. Fallait-il croire qu'une foule n'était plus qu'un être, pouvant décupler sur lui-même la puissance de l'autosuggestion? Pouvait-on admettre que, dans certaines circonstances d'exaltation extrême, une foule devint un agent de souveraine volonté, forçant la matière à obéir? Cela aurait expliqué comment les coups de guérison subite frappaient, au sein même de la foule, les sujets les plus sincèrement exaltés. Tous les souffles se réunissaient en un souffle, et la force qui agissait était une force de consolation, d'espoir et de vie. Cette pensée de charité humaine émotionna Pierre. Un moment encore, il put se ressaisir, il demanda la guérison de tous, très touché par cette croyance qu'il travaillait ainsi, un peu pour sa part, à la guérison de Marie. Mais, brusquement, sans qu'il sût par quelle liaison d'idées, un souvenir lui revint, celui de la consultation qu'il avait exigée sur le cas de la jeune fille avant le départ pour Lourdes. La scène se précisait d'une netteté extraordinaire. Il revoyait la chambre avec son papier gris à fleurs bleues. Il entendait les trois médecins discuter et conclure. Les deux, qui avaient donné des certificats, diagnostiquant une paralysie de la moelle, parlaient avec la lenteur sage de praticiens connus, estimés, d'une honorabilité parfaite. Tandis qu'il avait encore dans l'oreille la voix vive et chaude de son petit cousin Beauclerc, le troisième médecin, un homme jeune, d'une vaste et hardie intelligence, que ses confrères traitaient froidement en esprit aventureux. Et Pierre était surpris de retrouver dans sa mémoire, à cette minute suprême, des choses qu'il ne savait pas y être, par ce phénomène singulier qui fait parfois que des paroles, à peine écoutées, mal entendues, emmagasinées comme malgré soi, se réveillent, éclatent, s'imposent après de longs oublis. Il lui semblait que l'approche même du miracle évoqua les conditions dans lesquelles Beauclerc lui avait annoncé qu'il s'accomplirait. Vainement, Pierre s'efforça de chasser ce souvenir, en priant avec un redoublement de ferveur. Les images renaissaient, les paroles anciennes retentissaient, lui emplissaient les oreilles d'un éclat de trompette. C'était maintenant dans la salle à manger, où Beauclerc et lui s'étaient enfermés après le départ des deux autres. Et Beauclerc faisait l'historique de la maladie. La chute de cheval sur les pieds à 14 ans, la luxation de l'organe, culbuté, renversé de côté, les ligaments déchirés sans doute, et dès lors la pesanteur dans le bas-ventre et dans les reins, la faiblesse des jambes allant jusqu'à la paralysie. Puis la lente réparation des désordres, l'organe se remettant en place de lui-même, les ligaments se cicatrisant, sans que les phénomènes douloureux pussent cesser. Chez cette grande enfant nerveuse, dont le cerveau, frappé de l'accident, ne parvenait pas à s'en distraire, l'attention localisée sur le point où elle souffrait, immobilisée, incapable d'acquérir des notions nouvelles. De sorte que, même après la guérison, la souffrance avait persisté. Un état névropathique, un épuisement nerveux consécutif, sans doute aggravé par des accidents de nutrition, mal connus encore. Aussi, Beauclerc expliquait-il aisément les diagnostics contraires et faux des nombreux médecins qu'il avait soignés, sans se permettre la visite indispensable, marchant dès lors à tâtons, les uns croyant à une tumeur, les autres, les plus nombreux, convaincu d'une lésion de la moelle. Lui seul, après s'être enquis de l'hérédité de la malade, venait de soupçonner le simple état d'autosuggestion où elle se maintenait obstinément sous l'ébranlement, la violence première de la douleur. Et il donnait ses raisons, le champ visuel rétréci, les yeux fixes, le visage absorbé, distrait, la nature surtout de la souffrance qui avait quitté l'organe pour se porter vers l'ovaire gauche, où elle se manifestait par un poids écrasant, intolérable, qui parfois remontait jusqu'à la gorge, en affreuse crise d'étouffement. Une volonté brusque de se dégager de la notion fausse de son mal, une volonté de se lever, de respirer librement, de ne plus souffrir, pouvait seule la remettre debout, guérie, transfigurée, sous le coup de fouet d'une grande exaltation. Une dernière fois, Pierre tenta de ne plus voir, de ne plus entendre, car il sentait que c'était en lui la ruine irréparable du miracle. Et malgré ses efforts, malgré l'ardeur qu'il mettait à crier « Jésus, fils de David, guérissez nos malades !» Il voyait, il entendait toujours Beauclerc lui dire, de son air calme et souriant, comment le miracle s'accomplirait. En coup de foudre, à la seconde de l'extrême émotion, sous la circonstance décisive qui achèverait de délier les muscles. Dans un transport éperdu de joie, la malade se lèverait et marcherait, les jambes brusquement légères, soulagées de la pesanteur qui les faisait de plomb depuis si longtemps, comme si cette pesanteur se fût fondue, eût coulé en terre. Mais surtout, le poids qui écrasait le ventre, qui montait, ravageait la poitrine, étranglait la gorge, s'en irait, cette fois-là, en une envolée prodigieuse, en un souffle de tempête emportant avec lui tout le mal. N'était-ce point ainsi, au Moyen-Âge, que les possédés rendaient par la bouche le diable dont leur chair vierge avait longuement subi la torture? Et Beauclerc avait ajouté que Marie serait femme enfin, que le sang de la maternité jaillirait dans ce sursaut d'Hosanna, ce réveil d'un corps resté enfant, attardé et brisé par un si long rêve de souffrance, tout d'un coup rendu à une santé éclatante, les yeux vivants, la face radieuse. Pierre regarda Marie, et son trouble grandit encore, à la voir si misérable dans son chariot, si éperdument implorante, et lancée toute vers Notre-Dame de Lourdes qui donnait la vie. Ah, qu'elle fut donc sauvée, au prix même de sa damnation à lui. Mais elle était trop malade. La science mentait comme la foi. Il ne pouvait croire que cet enfant, aux jambes mortes depuis tant d'années, allait revivre. Et dans le doute désordonné où il tombait, son cœur saignant clama plus haut, répéta sans fin avec la foule délirante « Seigneur, fils de David, guérissez nos malades !»« Seigneur, fils de David, guérissez nos malades !» À ce moment, un tumulte courut, agita les têtes. Des gens frémissaient, des faces se tournaient, se haussaient. C'était la procession de 4 heures, un peu en retard ce jour-là, dont la croix débouchait sous une arche de la rampe monumentale. Il y eut une acclamation telle, une poussée instinctive si violente, que Berthaud, avec de grands gestes, commanda au brancardier de refouler le monde en tirant fortement sur les cordes. Ceux-ci, débordés un instant, durent se rejeter en arrière, les poings meurtris. Et ils finirent par élargir un peu le passage réservé où la procession put dès lors s'engager lentement. En tête s'avançait un Suisse superbe, bleu et argent, que suivait la croix processionnelle, une haute croix d'un rayonnement d'étoiles. Puis venaient les délégations des différents pèlerinages, avec leurs bannières, des étendards de velours et de satin, brodés de métal et de soie vive, ornés de figures peintes, portant des noms de villes. Versailles, Reims, Orléans, Poitiers, Toulouse. Une, toute blanche, d'une richesse magnifique, étalait en lettres rouges cette inscription « Œuvre des cercles catholiques d'ouvriers ». Ensuite, le clergé commençait. 200 ou 300 prêtres en simple soutane, 100 en surplis, 50 revêtus de chasubles d'or, pareils à des astres. Tous portaient des cierges allumés, tous chantaient le « Laudate Sion Salvatorem » à voix pleine, et le dais arrivait royalement, de soie pourpre, galonné d'or, tenu par 4 prêtres qu'on avait visiblement choisis parmi les plus vigoureux. Dessous, entre 2 autres prêtres qui l'assistaient, l'abbé Judaine tenait le Saint-Sacrement, de ses 10 doigts fortement serrés, comme le lui avait recommandé Berthaud. Et les regards un peu inquiets qu'il jetait à droite et à gauche sur la foule envahissante montraient le souci où il était de conduire à bon port ce lourd et divin ostensoir dont il avait déjà les poignets rompus. Quand le soleil oblique le frappait de face, on aurait dit un autre soleil. Des enfants de chœur balançaient des encensoirs dans la veuglante poussière de clarté qui faisait de toute la procession une splendeur. Enfin, derrière, il n'y avait plus qu'un flot confus de pèlerins, un piétinement de troupeaux, des fidèles et des curieux enflammés qui se ruaient, bouchant le sillage de leurs vagues roulantes.